Bonjour, vous écoutez Radio DC, nous sommes mardi 14 juin 2016. Qu'allez-vous entendre aujourd'hui dans Ici à Nonnet ? Eh bien, nous parlerons de l'agenda culturel local avec la fête du quartier de Bernodin qui a lieu ce jeudi 16 et vendredi 17 juin. Vous aurez ensuite le Cogitarium des Discrets qui nous parleront des lignes de fuite souterraines. Ensuite, c'est le journal plus ou moins local de Louis Périgaud que réalise Annette Fouex et ce sera suivi du regard sur la société de Monsieur Christian Taroux. On vous mettra de la bonne musique dans les oreilles, on attaque tout de suite avec l'agenda. Depuis hier et jusqu'au vendredi 17 juin, la MJC d'Annonay propose une semaine de découverte de ses activités. Durant cette semaine, l'ensemble des ateliers pourraient être essayés gratuitement. Les animatrices et animateurs des divers ateliers seront là pour vous accueillir et vous faire découvrir les activités. Pour participer à ces diverses séances, il vous suffit de vous présenter aux horaires habituels de pratique, en tenue adéquate. Vous pourrez ainsi vous faire une idée de ce que propose votre MJC en activité de loisirs. Toutefois, certaines activités demandant une progression ne pourront pas être testées comme le théâtre, l'anglais. Il est donc utile de se renseigner auprès de l'accueil de la MJC au 04 75 32 40 80 04 75 32 40 80. On continue avec les actualités de la MJC du mardi 14 juin au vendredi 17 juin. La MJC d'Annonay met en avant le travail réalisé dans ses ateliers artistiques lors de son exposition annuelle. Il sera possible de découvrir les œuvres réalisées par les adhérents durant cette saison. Différentes activités manuelles exposeront. On peut citer la poterie, la couture, la peinture sur soie, la dentelle, le fuseau, les dessins d'enfants, l'atelier, peinture, aquarelle et des dessins adultes. Donc si vous voulez aller voir ce qui a été fait cette année, les horaires d'ouverture de cette exposition sont de 10h à midi de 10h à 19h mardi, mercredi et jeudi, et vendredi c'est de 10h à midi. On continue, mercredi 15 juin à 9h45, rendez-vous au Mafana Café pour un atelier parents-enfants. Temps d'échange et de jeux pour parents et enfants, donc c'est gratuit, c'est 60e rue Étienne Frachon, pardon, à Nonnay. Alors on va se faire une petite pause musicale, on va s'écouter Galure avec le morceau « Que la pluie ». La nuit tombe à grosses gouttes, tous les chats que la pluie dégoûte se retrouvent chez moi. Les oiseaux n'ont plus pied et je suis dépité, je déteste les chats. Et tandis que ça mouille, on entend les grenouilles qui nagent dans le bonheur et chantent tout en sueur. Ça n'est que de la pluie qui nous tombe dessus. Ça n'est que de la pluie. C'est votre journée qui est foutue. Ça n'est pas la fin du monde. Mais putain, qu'est-ce que ça tombe. Qu'est-ce que ça tombe. Qu'est-ce que ça tombe. Et dans ma tête aussi, une pluie de confettis. L'orage tambourine. Les enfants dégoulinent et veulent leur maman. Les couples se séparent et les gros malabars veulent aussi leur maman. Et tandis que ça flotte, on entend qui sanglote, les amants en pleurs qui chantent à contre-cœur. Ça n'est que de la pluie qui nous tombe dessus. Ça n'est que de la pluie, c'est notre journée qui est foutue. Ça n'est pas la fin du monde, mais putain, qu'est-ce que ça tombe. Qu'est-ce que ça tombe. Qu'est-ce que ça tombe. Et dans ma tête aussi, une pluie de confettis. La pluie c'est vertical, mais le fric et l'argent sale, ça coule vers le haut. Regarde les planer, les parachutes dorés sous des pluies de lingots. Et tandis que ça tombe, le fric pour faire des bombes, on entend les traders qui chantent dans leur bunker. Allez les traders, avec moi. Ça n'est que de la pluie qui nous tombe dessus. Yeah. Ça n'est que de la pluie, c'est votre journée qui est foutue. Oh, c'est sûrement la fin du monde, mais putain, tant que ça tombe, tant que ça tombe, tant que ça tombe. Ça n'est que de la pluie qui nous tombe dessus. Ça n'est que de la pluie, c'est votre journée une pluie de confettis. Ah, bah, ce bonhomme, ah, ah, ce bonhomme de bébé, c'était que la pluie de Galure. Voici à présent Les Discrets et leur Cogitarium qui nous parle aujourd'hui des lignes de fuite souterraines et c'est lu par Marie. Les Discrets présentent le Cogitarium. Je vais au boulanger faire des éclairs au chocolat avec du sable mouillé saupoudré de sable sec. Échanger nos pâtisseries avec quelques coquillages. Mais surtout creuser d'énormes trous, si profonds que l'on pensait arriver en Chine. L'excitation que je ressentais face à ce jeu m'a tellement marquée que j'en ai fait mon sujet de thèse. Choisissez votre destination et creusez le segment parfait pour aller où vous voulez dans un temps record. Étudiez d'abord la géographie. Prenez connaissance de la Terre entière, des villes au désert, des lacs aux montagnes. Pour creuser votre tunnel, étudiez maintenant la géophysique et la géodésie interne et externe pour résoudre les problèmes de forme, de dimension, de gravité et de mouvement de la Terre. Il ne faudrait pas que votre tunnel cause un séisme au Népal et engendre 17 000 morts. Je dis ça parce qu'on m'a dit qu'il y en avait eu beaucoup depuis 2015. Étudiez alors la géodynamique interne. À la suite de mes recherches, à partir d'une théorie métamorphiste, je peux affirmer qu'une faille à décalage centrimétriste affecterait un gabbro foliaire à inversion latérale. Donc votre tunnel ne pourrait pas dépasser 25 cm de diamètre. J'espère que vous n'êtes pas trop gros. En vue de la largeur du tunnel, la technologie n'étant pas mon domaine, j'ai étudié la biochimie afin de déterminer les meilleurs rongeurs à exploiter. J'ai une préférence pour les souris. Mais mon test sur la taille et la rapidité à l'élaboration d'un tunnel a placé le rat au pied en tête de classement. Il fait des trous plus gros que le mulot et creuse plus vite que la taupe. Il en faudrait environ 30 millions pour arriver à vos fins. Mais grâce à une combinaison hermétique et une surcharge de vitamines C, B1, B2, auxquelles on ajoute un peu d'alcaloïde tropanique extrait de la feuille de coca, si vous voyez ce que je veux dire, les travaux se termineraient en 2035, à condition que vos rongeurs ne décèdent pas d'une overdose. C'était le Cogitarium des Discrets. Retournons à votre agenda. Quelque part, Centre National des Arts de Rue, Seine-Rhône-Alpes présente du théâtre de rue avec Ma vie de grenier. Gaëtan Le Croteux, fils aîné du célèbre fabricant d'aspirateurs Electrolux, maladroit, jovial et philosophe, rarement à la bonne place, gentil, trop gentil. Aujourd'hui, son stand est prêt. Avec une semaine d'avance, certes, suite à une faute d'inattention, qu'à cela ne tienne, il tentera de se débarrasser de son passé en évoquant les souvenirs d'une jeunesse volée et d'une vie désuète. Ce spectacle est drôle, tant il est triste et réciproquement. Ma vie de grenier est une satire évoquant un personnage victime de l'abus de confiance, de l'arrivisme et de sa gentillesse. Un personnage qui a un passé dérisoire, un présent épouvantable et un futur compromis. Ce n'est pas du clown, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas du théâtre, c'est juste la parole d'un personnage né par hasard qui a toujours quelque chose à dire, même s'il n'y a rien à dire, et c'est avec Stéphane Filhoc. Le spectacle va tourner dans la région toute la semaine. Ainsi, il sera possible de le voir à Pélussin aujourd'hui, mardi 14 juin à 20h, place des Croix. À Vernosque, mercredi 15 juin à 19h, au domaine Les Grands Vignes, dans le cadre des agriculturels de l'Ardèche Verte. Il y aura d'ailleurs des visites et des rencontres à partir 18h30 et possibilité d'assiettes à 20h30, possibilité de manger sur place avec l'assiette des potes. Vous pourrez également voir ce spectacle jeudi 16 à 19h lors de la fête de quartier à Bernaudin à Annonay, vendredi 17 juin à 20h30 à Mars, place de la mairie, et samedi 18 juin à 20h30 à Chemina, place de la mairie également. Du mercredi au samedi 18 juin, la librairie Le Coin des Livres à Davilleux fête son 10e anniversaire. L'occasion pour trois auteurs de venir faire des dédicaces. Mercredi 15 juin de 15 à 18h, dédicaces pour enfants avec Géronimo Stilon. Vendredi 17 juin à 16h, rencontre et dédicace avec Marie-Sabine Roger. Et samedi 18 juin à 16h, rencontre et dédicace avec Alik Tadjer, suivi d'une démonstration de tango argentin d'un cocktail dînatoire. Pour plus d'infos, vous pouvez appeler le 07 75 67 73 74, 07 75 67 73 74, ou envoyer un mail à librairie.lecoindeslivres@orange.fr. Jeudi 16 juin et vendredi 17 juin, c'est la fête du quartier Bernaudin. Au programme le jeudi, à 16h30, il y aura la fête de l'école. À 17h30, un goûter partagé, un spectacle pour enfants à 18h, ce sera la Forêt des Contes qui vous fera des animations. À 19h, le spectacle Ma vie de grenier de quelque part dont j'ai parlé précédemment. Le vendredi 18 juin à 16h30 et à 18h30, atelier ludique avec les accrobranchés d'Ixart et les groupes des centres sociaux. À 18h45, il y aura l'inauguration du parcours de santé, suivi d'un concert avec Les Chandelles et le groupe Samaï. 19h30, ce sera le verre de l'amitié et une soirée dansante avec comme thème « Apporte ta musique préférée, histoire d'échanger les musiques ». Voilà. On va s'écouter d'ailleurs maintenant Sing Sing Sing de Mr. Benny Goodman et c'est remixé par The Correspondent. Once you've heard High Fidelity Reproduction, you'll be hard to satisfy with anything less. The bigger and better the speaker, the higher the fly. Now watch while I sing a low note. Frequency sound. Are you ready? Let her go. C'était Sing Sing Sing de Benny Goodman, remixé par les correspondantes. On retourne à notre agenda. Jeudi 16 juin à 20h au Mafana Café, il y a une soirée jeu organisée par l'association Tu Joues de Saint-Julien-Molin-Molette. C'est jeudi et c'est gratuit et c'est au Mafana Café. vendredi 17 juin à 20h30 à la place des Cordeliers, il y a du théâtre avec la pièce « Bernard est mort ». Les élèves de l'atelier théâtre adulte de la MJC présentent la pièce « Bernard est mort » où 10 personnages au bord de la crise de nerfs règlent leur compte et font endosser aux morts tous les chagrins de leur petite vie d'artiste. C'est vendredi soir et c'est gratuit également. Après on continue, vendredi soir 17 juin à 20h30 à Saint-Clair sur la place du village, il y a un concert de l'ensemble harmonique d'Annonay. Cet orchestre composé de 55 musiciens se produira en prélude de la fête de la musique avec un répertoire varié, musique de film, rythme endiablé d'Amérique du Sud et des variétés. Donc c'est à 20h30 à Saint-Clair à la place du village. Ce week-end également, vous pourrez commencer à fêter la musique dans les communes de Villevaucans dès vendredi soir. Samedi à Chavanay à partir de 20h30 avec les 4L, quartet féminin de saxophonistes et Flim de la musique celtique. Si le soleil est de la partie, ça se fera au bassin de Serve, sinon au repli prévu à la place de la Halle. C'est également la fête de la musique ce week-end à Serrières à partir de 19h. Samedi 18 juin également dans les jardins du Mafana Café, soirée guinéenne et reggae yastedi à partir de 20h. L'entrée est libre, plus d'infos, vous pouvez envoyer un mail à mafanacafe@hotmail.fr. Enfin dimanche 12 juin, c'est la 12e édition du Fun Bike Day à Serrières. Pour les amatrices et amateurs de moto, stunt en Harley Davidson, stand, buvette, snack et jeux pour enfants, l'entrée est gratuite, il y aura un concert avec le groupe Téléphone Mania. Voilà. On va s'écouter maintenant La Canaille avec encore un peu. Ouais, on se débrouille avec Yvette. J'ai gardé toute ma tête, c'est ma fierté. Je mettrai pas les pieds en maison de maltraite. Le budget est serré, ça se passe de commentaires. On vit grâce aux enfants, les APL et la complémentaire. Ma femme épluche les bons de réduction de la boîte aux lettres. Elle gère la bourse et ne jette pas l'argent par les fenêtres, Yvette. Chaque dépense est calculée, maîtrisée, on gaspille pas. Toutes les chaussettes sont reprisées, mais c'est pas grave tout ça. Ouais, tout ça c'est matériel, tout ça c'est secondaire. Tant que t'as pas coulé la bielle, tu connais l'adage, tant qu'on respire, y'a de l'espoir. Je vais faire ma marche et retrouver les potes au square. Allez, pas maintenant s'il te plaît. Encore un petit peu, je t'en supplie, j'ai pas fini. Encore un petit vœu. Encore un peu de vin, un peu de sucre au petit vieux. J'ai pas pris mon dessert et j'ai encore un petit creux. Allez, pas maintenant s'il te plaît. Encore un petit peu, je t'en supplie, j'ai pas fini. Encore un petit vœu. Encore un peu de vin, un peu de sucre au petit vieux. J'ai pas pris mon dessert et j'ai encore un petit creux. Question, ça va, je réponds toujours, on fait aller. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? On fait aller. Je passe le temps, je fais surtout comme je peux, papa. Je profite et me réjouis de vivre encore à deux. C'est peut-être mon dernier coucher de soleil. C'est peut-être tout à l'heure, pendant mon sommeil. Ou bien demain, qui sait, hein? Qui peut le prédire? À mon âge, ça peut tomber n'importe quand, ça fait frémir. Alors on fait semblant, on fait comme si de rien n'était. On oublie, on se projette en été. Les petits enfants vont venir, ça va être chouette. On ira sur le bord de mer s'asseoir, regarder les mouettes. Allez, pas maintenant s'il te plaît, encore un petit peu. Je t'en supplie, j'ai pas fini, encore un petit vœu. Encore un peu de vin, un peu de sucre au petit vieux. J'ai pas pris mon dessert et j'ai encore un petit creux. Allez, pas maintenant s'il te plaît, c'est encore un petit peu. Je t'en supplie, j'ai pas fini, encore un petit vœu. Encore un peu de vin, un peu de sucre au petit vieux. J'ai pas pris mon dessert et j'ai encore un petit creux. Je ne crois pas en Dieu, moi je dis qu'après y'a rien du tout. J'avais cette réflexion tout à l'heure et ça m'a rendu fou quoi. Comment ça, ça s'arrête net, c'est pas possible. D'un coup le vide et on en reste là, c'est pas plausible. Ça m'a fait gamberger, je sens que la fin est proche. Je veux pas mourir mais mon corps me lâche, putain c'est moche. Et là tu regardes droit dans les yeux la plus grande flippe de l'homme. Et tu t'acharnes à repousser l'ultimatum. Mais ouais c'est ça la vie. C'est ça la vie des dinosaures. Allez mamie, viens, une petite folie. Ce soir on dit nos porcs. Levons nos verres au nez et à la barbe du croque-mort. À l'amour, à nous deux, à la table du Bosphore. Allez, pas maintenant s'il te plaît. Encore un petit peu. Je t'en supplie, j'ai pas fini. Encore un petit vœu. Encore un peu de vin, un peu de sucre au petit vieux. J'ai pas pris mon dessert et j'ai encore un petit creux. Allez, pas maintenant s'il te plaît. Encore un petit peu. Je t'en supplie, j'ai pas fini. Encore un petit vœu. Encore un peu de vin, un peu de sucre au petit vieux. J'ai pas pris mon dessert et j'ai encore un petit creux. C'était encore un peu de La Canaille sur ici. On retrouve à présent le journal plus ou moins local de Louis Perregaux que réalise Annette Fouex et ce sera suivi du regard sur la société de Christian Taroux. Bara à la Mima Radio d'ici. Ça a démarré là. Oui, il continue. Hein. Mais non, on est toujours dans la capite, dans la compétition. Dans la... en faisant le rigolo. Excuse-moi, je le cherche, je l'ai perdu. Ça y est, t'es réveillé ? Bon, allez, on y va. Ce Radio d'ici, c'est maintenant les informations plus ou moins locales avec Louis Perregaux. Bonjour, Louis. Allez, on y va. Bonjour Annette, bonjour à tous. Nous sommes mardi 14 juin. Aujourd'hui, le soleil s'est levé à 5h53 et devrait se coucher à 21h31. Merci d'être avec nous. Dans ce bulletin plus ou moins local d'information, les ventes d'armement battent un record et profitent à la France. La faim ne doit pas être une arme de guerre, dit le pape. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, recadre les forces de l'ordre. Médecins du Monde censurés pour ne pas fâcher le lobby des labos. L'élevage de lin mis en cause par L214 va être liquidé, ses poules aussi. À Toulouse, le préfet prend un arrêté anti-alcool pour éviter les débordements durant l'euro. La droite veut s'éviter un futur choc social. La barre record des 16 000 inscrits franchie pour l'Ardéchoise. Réunion publique sur l'avenir de Saint-Julien-Molin-Molette. Au rayon de l'insolite, en Bretagne, un nageur entre en collision avec un requin. Le marché mondial de la défense a battu un record de vente en 2015 et boosté les exportations de la France qui devrait se hisser au rang de numéro 2 d'ici 2 ans, selon la revue spécialisée Jens. Le marché mondial de la défense n'a jamais vu une croissance aussi importante que celle observée entre 2014 et 2015 et la France est de loin la grande gagnante à l'heure actuelle. Selon Jens, le marché de la défense a ainsi progressé de 6,6 milliards de dollars en 2015 par rapport à l'année précédente et devrait poursuivre sur sa lancée en 2016 pour s'établir à 69 milliards. Et si les États-Unis restent solidement installés en haut du podium avec 23 milliards de dollars d'exportation, une hausse de 10%, c'est l'industrie française d'armement qui a le mieux profité de ce rebond des marchés de défense. Cette augmentation signifie que la France va dépasser la Russie et l'Allemagne pour devenir le deuxième plus grand exportateur mondial d'équipements de défense dès 2018. Lors d'une visite au siège du Programme alimentaire mondial à Rome, le pape s'est indigné que la faim puisse être utilisée comme arme de guerre et a déploré que le matériel militaire circule plus facilement que la nourriture. Alors que diverses formes d'aide et des projets de développement sont bloqués par des décisions politiques incompréhensibles, des motifs idéologiques et des barrières douanières infranchissables, l'armement ne l'est pas, a-t-il déclaré. Le consumérisme dans lequel s'enlisent nos sociétés nous habitue aux excès et à jeter quotidiennement de la nourriture. Nous devons nous rappeler que la nourriture jetée est, en un sens, volée à la table des pauvres et des affamés, a ajouté le souverain pontife. État d'urgence, Euro 2016, nuit debout, contestation sociale, les occasions pour la police d'intervenir ne manquent pas et les risques de dérapage non plus. Ainsi, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est fendu d'un télégramme aux forces de l'ordre dans lequel il leur rappelle les règles. À ce jour, pas moins de 48 enquêtes judiciaires ont été ouvertes par l'IGPN, la police des polices, après des accusations de violences policières. Dans une lettre adressée au préfet, le ministre rappelle aux fonctionnaires qu'il leur est indispensable de respecter les règles et la déontologie avec la nécessité d'un comportement exemplaire. Quelles que soient les circonstances, la fatigue ou l'exaspération ne doivent pas prendre le pas, car chaque mauvais geste, chaque emploi illégitime de la force par un seul fonctionnaire va rejaillir sur tous les autres. Le ministre garde à l'esprit que tout dérapage peut finir sur les réseaux sociaux et prendre une ampleur considérable. Dans un pays sous tension, il tient à la proportionnalité des interventions et au respect scrupuleux du cadre légal. À Rennes, une vidéo montre des policiers et gendarmes qui ont dissimulé leur matricule, ce que Bernard Cazeneuve proscrit fermement. Le ministre insiste aussi sur le nécessaire respect de la liberté de la presse lors des manifestations, alors que des journalistes se sont vus intimer l'ordre d'effacer des clichés, ce qui est illégal. Enfin, le ministre de l'Intérieur demande aux supérieurs hiérarchiques d'être au plus près de leurs troupes du fait de leur responsabilité directe dans la conduite des opérations. Par une campagne choc sur le prix des nouveaux médicaments, Médecins du Monde voulait provoquer le débat. Il y a réussi, d'autant qu'il a été aidé par les propriétaires des panneaux publicitaires qui ont refusé la campagne, la considérant comme trop polémique, ce qui a donné alors à celle-ci un petit goût de censure. Les slogans retenus par l'ONG étaient sans complexe. Avec l'immobilier et le pétrole, quel est l'un des marchés les plus rentables ? La maladie. Ou bien, bien placé, un cancer peut rapporter jusqu'à 120 000 euros. Affirmation sans nuance, mais qui ont le mérite de décrire une situation aujourd'hui inquiétante. L'emballement ahurissant des prix des médicaments innovants, contre le cancer en particulier, mais aussi contre les hépatites C. La mise sur le marché du sofosbuvir, le premier des antiviraux à action directe efficace contre l'hépatite virale C, a agi comme un révélateur des dysfonctionnements en matière de production et de fixation du prix des médicaments, explique Médecins du Monde. Le traitement de 12 semaines est en effet vendu 41 000 euros par patient, alors qu'il ne coûterait que 100 euros à produire. Aujourd'hui, le prix du médicament n'a plus rien à voir avec le coût de la recherche, ni encore moins avec le coût de la production. Dans le cas de l'hépatite C, par exemple, le prix très élevé est lié à une spéculation boursière. En mai dernier, le président de la République, François Hollande, a convaincu ses homologues du G7 lors de leur réunion au Japon d'intégrer dans la déclaration finale la nécessité de remédier à l'emballement des prix. Certes, mais dans les faits, rien n'a encore évolué. Seule l'opinion publique mondiale peut faire bouger les lignes, insiste Médecins du Monde. Après la maltraitance, l'abattoir, c'est ce qui attend les 196 000 poules pondeuses qui s'entassent encore à 20 ou 30 par cage dans l'élevage du Péra, dans l'Ain. Depuis les images diffusées le 25 mai par l'association L214, révélant l'état sanitaire lamentable de cet élevage, le GAEC du Péra a vu son destin basculer. Dans la foulée du scandale provoqué par cette vidéo choc, la marque Matine, qui appartient au géant agro-industriel Avril, dirigé par Xavier Belin, président de la FNSEA, annonce qu'elle n'achètera plus d'œufs au GAEC. Privé de son plus gros client, l'élevage ne peut bientôt plus nourrir ses poules et la préfecture doit prendre le relais. Début juin, un liquidateur est nommé. Maître Marion Claire est chargé de clôturer l'activité du GAEC. Problème, L'actif de cette société, c'est du vivant. Environ 196 000 poules pondeuses, mais aussi 100 000 poulettes et 1 600 cochons. Régler tout ça va prendre du temps. Le temps de trouver un éventuel acheteur pour les poulettes et les porcs. Pas facile, avec la mauvaise image du GAEC, reconnaît la liquidatrice. Quant aux poules pondeuses, c'est l'abattoir qui les attend. De toute façon, l'abattage de 100 000 poules était prévu pour juillet. Car dans ce type d'élevage, les poules pondent pendant 18 mois. Après, on considère qu'elles ne sont plus rentables et on les abat. Après les incidents de Marseille, le préfet a pris un arrêté réglementant la vente et la consommation d'alcool à Toulouse durant l'Euro de foot. Pas question que les berges de la Garonne prennent des allures de vieux port. Après les incidents du week-end à Marseille, Pascal Mellos, le préfet de la Haute-Garonne, a décidé de réglementer la vente et la consommation d'alcool dans certains périmètres sensibles. Cela concerne l'aéroport de Toulouse-Blagnac et la gare Matabiau. Le préfet a aussi délimité une vaste zone tampon anti-imprégnation comprenant le centre-ville, la fan zone et l'île du Ramier. Dans ce périmètre, boire un coup est autorisé uniquement dans les bars, sachant que le gobelet en plastique est obligatoire en terrasse. Pas question de siroter sur la voie publique ou dans les transports, ni d'acheter à emporter dans les épiceries ou les stations-service. Ces dispositions sont valables de 7h à minuit, les veilles et jours de match au stadium, ainsi que les jours où l'équipe de France joue. Alors que le Sénat examine en séance depuis hier le projet de loi Travail, les difficultés rencontrées par l'exécutif pour faire adopter ce texte rejaillissent sur les candidats de droite à la primaire, avec, en creux, cette question. En cas d'alternance, comment le représentant du parti Les Républicains pourrait-il mettre en œuvre son programme ? Compte tenu de l'ampleur de la contestation actuelle, il est permis de se demander si Alain Juppé, Nicolas Sarkozy ou tout autre prétendant victorieux de droite à la présidentielle sera en mesure de mener à bien des changements qui s'avèrent plus radicaux que ceux induits par le texte de la ministre de l'Emploi, Myriam El Khomri. La sortie des 35 heures, par exemple. Cette interrogation vaut aussi pour d'autres mesures choc sur des thématiques qui ne sont pas abordées dans le projet de loi Travail. Retraite à 65 ans, abrogation de l'impôt de solidarité sur la fortune, suppression de plusieurs centaines de milliers de postes de fonctionnaires, etc. C'était presque une évidence au vu de l'engouement rencontré ces derniers mois du côté de la maison de l'Ardéchoise de Saint-Félicien. L'Ardéchoise tient son record. Hier, la cyclotouriste et sportive a passé le cap des 16 000 inscrits pour son édition 2016. Les 15 954 inscrits de 2011 sont donc battus. Il reste encore quelques jours avant le départ samedi pour que ce chiffre prenne encore plus d'ampleur. Hier soir, la municipalité de Saint-Julien-Molamolette organisait une réunion publique pour la présentation du PLU, une séance d'information rendue sensible par la demande d'extension de la carrière dite des Gottes. Bien que tendue, l'atmosphère est restée courtoise tout au long des explications de M. Benoît, directeur de l'agence Triangle, chargé par la commune de la rédaction du PLU. Ensuite, les questions ont surtout concerné le classement des zones vertes limitrophes à l'entreprise Delmonico-Dorel que le carrier s'est déjà approprié, non pas pour observer les lapins, comme l'a fait remarquer une riveraine. Et la question principale qui est de connaître la position du conseil municipal qui était sur toutes les lèvres n'a pas obtenu de réponse claire pour l'instant. Au rayon de l'insolite, samedi, un nageur breton qui participait au défi des Coureaux, une traversée à la nage entre l'île de Groix et la plage de Pleurmel, s'est fait violemment tamponner par un requin pèlerin. Se faire percuter par une bête comme celle-là alors qu'on est en train de nager au large, c'est impressionnant et rarissime. Ce que, sur le coup, n'a pas réalisé notre nageur, c'est que ce type de squale, très imposant avec ses 4 à 5 mètres de long, est inoffensif car il se nourrit exclusivement de plancton. Reste qu'il est de plus en plus présent au large des côtes bretonnes, en particulier dans le golfe du Morbihan. Bien que choqué, le sportif a finalement repris sa course. Depuis 14 ans, cette épreuve de 7 km assemble des nageurs entraînés et aguerris. Cette année, 133 participants s'étaient jetés à l'eau malgré une météo peu clémente et des courants rudes, mais 67 ont dû abandonner, pas seulement à cause des requins. Du côté du temps sur Saint-Julien-Molin-Molette et ses environs, le soleil tentera de rares apparitions sous un ciel assez voilé. Le vent qui nous vient de l'ouest souffle aux alentours de 14 à 17 km/h. Quant aux températures, elles s'affichent entre 9 et 18 degrés. Aujourd'hui, nous fêtons Élisée, Valère et Ruffin. Et nous terminons avec ce dicton « À Saint-Ruffin, cerise à plein jardin ». Voyons maintenant quel dicton nous a concocté Christian Taroux. En dicton, votre radio, faites le prénom du jour. Amour à Saint-Élisée, il n'est pas un jour au cœur qui porte vent à l'Isée. Amour à Saint-Élisée, il n'est pas un jour au cœur qui porte vent à l'Isée. Merci Christian. Avec Annette à la technique, nous vous souhaitons à tous une excellente journée à l'écoute de Radio d'ici. Merci Louis, on se retrouve demain même heure pour un autre bulletin. Avec plaisir, à demain. Bonne journée à tous. Avec Radio d'ici, un petit regard sur la société. On porte sur le corps de légers textiles de coton blanc ou d'autres textures de couleurs fabriquées sur des îles. Le monde est ouvert, sans frontières. Les marchandises voyagent sans papier, ou du moins, elles ont toutes un permis de passer, avec des appellations d'origine très disséminées. Cette liberté serait encore plus grande si elle pouvait voyager comme les nuages, toutes barrières levées, physiques ou virtuelles. On porte donc sur le corps de légers textiles qui portent, malgré leur blanc immaculé, du sang et de la sueur. Des textiles avec un certificat qui tient lieu de morale, car il en faut bien une à celui de la guerre des prix, qui demeure aussi celle de la survie. C'était un petit regard sur la société. Christian Taroux. Au revoir, chers auditeurs. www.radiodici.com. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de Radio d'ici. À tout bientôt. Je ne bougerai, bougerai, bougerai, bougerai pas. Je ne bougerai, bougerai, bougerai, bougerai plus. Je ne bougerai, bougerai, bougerai, bougerai pas. Je ne bougerai, bougerai, bougerai, bougerai plus. Ici à Nonnaise, c'est fini pour l'instant. On est rediffusé à 12h10, à 16h10 à Saint-Julien, à 19h10 à Nonnaise. Retrouvez nos podcasts streaming et autres programmes sur le www.radiodici.com et suivez-nous sur Facebook sur la page Radio d'ici Pila Bassin à Nonnaise. On se quitte avec Emicida et Passarinos feat Vanessa da Mata. Passez une très très bonne journée à notre écoute et à demain. Ciao. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. Em colapso o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira o som delira, então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um seja no peito ou no outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito ou no outro. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Eu sei, meu melhor amigo tem sido o som. Ok, tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco resta madeira, nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta por seis? Escolha qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. A voar dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinho, soltos a voar dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Radio DC.